4-3 Oral Production. In the following dialogue, you are to take the part of the second character. You will hear the entire dialogue once, then you will hear your character's line 3 times. You will hear the beginning of the exchange once again, and this time you should answer with your character's line. Example 1. Listen to the dialogue between the teacher and the student. Vous aimez les romans? Oui. Enfin, ça dépend. Now listen to the student's part, which will be repeated 3 times. Oui. Enfin, ça dépend. Oui. Enfin, ça dépend. Oui. Enfin, ça dépend. Now it's your turn. Listen to what the teacher says and take the part of the student. You hear... Vous aimez les romans? You answer... Oui. Enfin, ça dépend. 2. Listen. J'adore les histoires de crime. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Now it's your turn. J'adore les histoires de crime. 3. Listen. Vous aimez les romans d'amour? Bah non, je déteste ça. Bah non, je déteste ça. Bah non, je déteste ça. Now it's your turn. Vous aimez les romans d'amour? 4. Listen. Vous êtes français tous les trois? Non, nous sommes américains. Non, nous sommes américains. Non, nous sommes américains. Now it's your turn. Vous êtes français tous les trois? 5. Listen. Vous parlez anglais? Bien sûr, puisque nous sommes américains. Bien sûr, puisque nous sommes américains. Bien sûr, puisque nous sommes américains. Now it's your turn. Vous parlez anglais?